Wesh Omar, bien ou quoi? Wesh bien ton pote. Ça va, tranquille. Hein. Si, si. Ça raconte quoi alors? J'ai entendu les sons avec les potos, franchement bien. Ouais, les bails. Là, hein, t'as vu, on fait les bails, Maxi si, va si, sortir si. Là, téléchargement ah, gratuit. Ouais, frais. Ça arrive, hein. Si, Maxi, si, ça arrive. Parle de quoi alors? Ça parle de bavure policière, même si chargé à bloc, comme ton casier judiciaire. Laisse-moi te parler de cette violence qui ne date pas d'hier. Haine et jalousie, ça parle du chant des sirènes, de la France de Sarkozy. Répression ou oppression, ça parle de mecs sous tension, de ces règlements, de contre ces bastons. Qu'on regarde du balcon, fait balcon, range ton calibre. Ça parle de lieux insalubres, sali. Une dédicace aux familles et fuck ceux qui ont pâli. Ça parle fort, j'entends à bas les ports. Les fachos prennent pour cible des jeunes en rappeurs. Ça parle encore de 50, de victimes qu'on fracasse comme une vitrine. Ici ça parle de zermi et de cette mauvaise graine qu'on appelle la vermine. Ça te parle d'injustice, d'une jeunesse gâchée. Épargné de justesse, suspect dans l'aspect, mais au fond en détresse. Ah ouais, il tue le son, franchement du lourd, c'est lourd. Ça parle de Nanpa, ça parle de Tarba qui balance ton blaze lors d'une carte d'af dehors, joue les gangstas. Ça parle de Fofana, ça parle de Ferrara, ça parle de Tony Montana. Ça parle des vrais qui opèrent en silence pour les moins patients. Ça parle de détention, ça parle du passé. Maréchal de Latte, tes souvenirs loin de s'effacer. Ça parle de Cissé, ça parle de Zizou, de scandale à 3-3-6. Ou ça parle du Darfour, on dit que la mort est présent à tous les carrefours. Ça parle de drame, une pensée pour Omar, ça n'y a paix à son âme. Ça parle d'islam comme s'il parlait du mal. Ça parle de Houston comme on parle de bifton. Ça parle de litron, tous veulent être patrons. Ça parle du train-train, boulot, métro, dodo, boulot, métro, bistrot.